Perdida, tus modernos inventos que son puro cuento. Anda por la sombra y cierra bien el portón. Amiga feminista perdida, tus modernos inventos que son puro cuento. Tu as parti avec ta copine, je suis très malheureux. J'ai pas d'argent et ma mère, elle habite très très loin d'ici.